Le Parti des ouvriers de Hongrie a inséré dans son organe Szabadság et sur leur page internet l'œuvre classique du général Kim Jong-il, Notre socialisme axé sur les masses populaires est invincible, et celle du maréchal Kim Jong-un, Faisons honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Sun-gun, du camarade Kim Jong-il, et à ses éminents hauts faits en la matière.